Bien, donc pour la toute dernière séance de l'année et vraisemblablement du séminaire tout court, puisque sans doute à partir de l'an prochain, on passera sur la logique des séminaires des axes transversaux, donc il pourra toujours y avoir des choses. D'ailleurs, je vous invite, si vous êtes volontaire et pugnace, à faire des propositions en ce sens. Donc nous avons la chance d'accueillir Monica Salzbrun, que je remercie de sa présence. Et donc Monica est professeure donc à l'université de Lausanne sur les questions religion, migration, diaspora. Et Monica a beaucoup travaillé notamment sur la question des fêtes et de la manière dont les fêtes servent d'une certaine façon également à relier et à faire des liens entre les gens vivant dans des endroits différents. Et elle a également beaucoup travaillé sur les questions qui sont relatives à la mondialisation et, je dirais encore un petit peu plus parce que c'est finalement relativement rare, sur la question de l'état des recherches sur la question de la société globale ou de la société mondiale. Donc je vais immédiatement te laisser la parole. Tu as du temps devant toi. Il n'y a pas de problème. Donc tu prends le temps dont tu as besoin pour nous expliquer ce dont tu souhaites nous parler aujourd'hui. Avec grand plaisir. Donc, je suis très honorée et j'ai vraiment un plaisir à être à Nanterre. Donc, je remercie Stéphane Dufoy pour son invitation parce qu'on a plusieurs points en commun. L'intérêt pour l'histoire, l'intérêt pour les concepts, donc l'analyse critique des termes qu'on utilise. Et je trouve que les deux, en fait, passent souvent à la trappe dans les débats actuels, qu'il s'agisse des migrations ou des questions politiques ou religieuses. Dans l'histoire, en fait, nous enseignerait assez souvent des bases nécessaires pour comprendre le temps présent. Donc je vais faire un petit topo introductif qui pose des questions épistémologiques et essaye de retracer aussi ma propre histoire de chercheuse qui a changé de paradigme en fait après avoir découvert que l'empirie ne collait plus avec avec ce que j'avais appris comme concept. Donc puisque certains d'entre vous sont en thèse, c'est souvent ce qui nous arrive, on apprend des choses puis on est sur le terrain puis on constate que ça ne colle plus, donc il faut repenser les concepts, mais pour les repenser il faut d'abord les connaître. Mais avant de commencer, je vais peut-être juste vous montrer ce qu'on fait dans cette enclave de Suisse romande que j'ignorais moi-même, je dois le dire, avant de rejoindre l'université de Lausanne qui a un lieu absolument passionnant avec un magnifique campus. Je dirige l'Institut des sciences sociales et des religions contemporaines, donc je vous montre un peu le flyer, qui essaye d'aborder des questions actuelles concernant les nouveaux mouvements religieux, les questions de migration, dans un contexte alors assez focalisé sur la Suisse, mais comme je suis les travaux de manière transnationale, j'essaie d'apporter un petit peu d'ouverture comparative sur les travaux. Et je vous fais circuler aussi le dernier bouquin que j'ai coécrit avec un collègue japonais, le professeur Yasuma Sasekin. On est ensemble sur un projet qui s'appelle l'anthropologie de la rue, parce que lui aussi s'intéresse aux mouvements sociaux. Et on a fait une expérience extraordinaire en anthropologie, on a fait des terrains croisés. Donc je l'ai emmené sur mes terrains parisiens et lui m'a emmené sur les terrains à Tokyo et à Kyoto. Et à Okohama. Et c'était fantastique parce que lui, évidemment, il ne comprenait pas le français et moi, je ne comprends pas le japonais. Mais rien qu'en observant les phénomènes qui se déroulent dans la rue, d'un point de vue empirique, comme Bruce Comte l'aurait suggéré, je crois, c'était extrêmement instructif et très déroutant. Parce qu'il y a des choses qu'on ne voit plus. Quand on est 15 ans sur un terrain, on ne remarque plus ce qui se passe. Et le fait d'avoir un espèce d'extraterrestre qui vous pose des questions tout à fait inattendues, c'est fantastique pour le propre terrain qu'on fait. Donc, ça vient de sortir. Et par ailleurs, en fait, j'avais réfléchi, et ça c'est un peu la base de la conférence aujourd'hui, avec Nina Glick-Scheller et Aïcha Chalar, sur la manière dont on peut repenser l'immigration. parce que on avait toutes les trois, on s'était croisés plusieurs fois dans les colloques et on était notamment ensemble en Chine sur un projet comparatif migration Europe-Chine. Et là aussi, on a vu plein de choses qui ne sont pas transposables. On s'est dit, ça, c'est pas possible, on ne peut plus penser la migration comme on l'a fait jusqu'à présent. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi un titre anglais et un sous-titre français? Parce que je pense qu'il y a des concepts qu'on ne peut pas traduire. Ou si on les traduisait, ça serait tout à fait bancal. Et c'est un peu ma manière de prêcher aussi mes propres doctorants. De prêcher la lecture dans l'origine, enfin dans le texte d'origine, parce que si on fait confiance au traducteur, on prend un certain risque, parce que c'est toujours relatif. En fait, l'interprétation, c'est une transposition vers un autre monde intellectuel, pas seulement linguistique. Et cet autre monde intellectuel est construit sur une base, sur des références qui sont nées au sein d'une histoire propre. Certes, une histoire transnationale, mais qui fait que les concepts peuvent être compris différemment. Donc, « Locating Global Migration Processes », pourquoi « Locating » ? Parce que dans les études sur les migrations, ces 20 dernières années, on avait découvert les relations transnationales et on les a un petit peu extrapolées. Hein, il y a eu des études d'Alain Turius, notamment sur les nomades, ou d'autres autour de lui à Toulouse, ont donné, à mon avis, l'impression un peu exagérée d'une possibilité de circulation sans frontières. Et cette possibilité-là, en fait, elle est tout simplement restreinte par le passeport, par les papiers. Et ça, c'est quelque chose de très banal qu'on oublie souvent quand on parle de circulation, parce que les frontières disparaissent et sont reconstruites autrement. Donc les frontières sont de nouveau présentes et à l'intérieur des territoires, pas seulement à la frontière physique, mais à l'intérieur. En fait, la frontière, elle est partout maintenant. Donc l'idée qu'on puisse circuler sans restriction, comme un nomade qui n'aurait pas d'attache, me semble ne pas coller avec certains champs empiriques. Ça peut coller avec d'autres, mais en tout cas, ceux sur lesquels je me penche, en fait, ne sont pas aussi faciles au niveau de la capacité à circuler. Mais je viens plus profondément là-dessus plus tard. Pourquoi je dis global migration processes? En fait, pour moi, la migration est un processus. On a souvent l'impression aussi que la migration est quelque chose qui part de quelque part et qui se termine quelque part. Mais en fait, ça ne se termine jamais, ne serait-ce que d'un point de vue intellectuel et mental. Même s'il peut y avoir un déplacement physique qui se termine par une sédentarisation, il y a toujours une connexion avec d'autres aires, avec d'autres réseaux, et ces connexions ne sont pas réductibles à un va-et-vient ou à un push and pull comme on l'a fait dans les années 80. Cette idée de push and pull factors, enfin, je ne sais pas si vous avez appris la rational choice theory, moi j'étais forcée de la prendre à Cologne. C'est une théorie qui vient des sciences économiques et qui est certainement applicable à d'autres questions de recherche, mais dans l'immigration ça marche pas très bien parce qu'on réduit les gens en fait à des acteurs rationnels au sens weberien qui auraient en fait un objectif et qui feraient un choix tout à fait rationnel selon ce qui les attire, donc ce qui pull en fait, et ce qui les pousse à partir. Et ça, c'est un peu simpliste. Et en plus, les acteurs ne se situent pas entre seulement deux espaces. Les acteurs circulent, s'inscrivent dans un réseau familial, politique, religieux, qui dépasse justement les frontières de deux États. Donc, c'est trop réducteur. Donc, la raison pour laquelle je mets processes, donc les processus globaux de migration, mais ces processus globaux, il faut les localiser. Voilà. Donc, il ne faut pas prendre le global comme quelque chose qui flotterait au-dessus de nous et qui n'aurait pas d'ancrage local, bien au contraire. Pour que le global puisse fonctionner, il faut un ancrage local. Vous connaissez peut-être les travaux de Roland Robertson ou Janneders Peters qui ont inventé cette idée de glocalisation et qui l'inscrivent dans une histoire. On a souvent reproché aux auteurs de la globalisation d'inventer en fait un terme et de croire qu'il n'y avait pas de fond historique, mais Peters et Robertson le disent eux-mêmes, leur globalisation, c'est pas quelque chose qui qui sort du néant dans les années 80. C'est quelque chose qui a une histoire. Hein, la circulation, évidemment, a une histoire. Les plus grands mouvements de population n'ont d'ailleurs pas lieu maintenant, mais dans l'histoire, il y a eu des mouvements de population bien plus importants, notamment en Europe centrale, alors qu'on n'avait pas de voiture, pas d'avion, mais juste des éléphants ou des chevaux, selon l'endroit où on était, ou des dromadaires. Et pourtant, la circulation était plus importante. Donc en fait, cette idée de processus globaux qui se situe localement, c'est aussi une réponse à certains théoriciens de la globalisation qui penseraient que la globalisation, en fait, ce serait quelque chose de seulement global et ne pas de sans ancrage local. Et le bouquin que j'avais fait avant, celui sur la communauté, avec des collègues, s'appelle The Making of World Society, Perspectives from Transnational Research. Et là aussi, on a répondu à quelques théoriciens de la théorie des systèmes, des Lumaniens, qui se mettent à travailler sur la migration et qui disent que tout est connecté par la communication. Donc on est tous dans une espèce de société mondiale, hein, World Society. Et tout le monde, vous le savez peut-être, il y a une théorie, tout le monde est à 5 personnes interconnectées de n'importe quelle personne dans le monde. Alors, c'est bien beau tout ça. En revanche, moi qui fais du terrain en Afrique, je suis très sceptique par rapport à ça parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup d'endroits dans le monde où il n'y a ni électricité, ni Wi-Fi et ni alphabétisation. Donc, l'idée de la communication qui serait en théorie possible est une belle idée d'un point de vue intellectuel. Je pense que ça vaut la peine de réfléchir à ces idées de la théorie des systèmes. Mais en pratique, ça ne fonctionne pas sur beaucoup de terrains. Ça fonctionne peut-être en Asie de plus en plus, mais ça ne marche pas en Afrique subsaharienne, sauf dans les capitales ou dans certains nœuds où il y a des expatriés, mais ça ne marche pas dans le milieu rural. Et moi qui passe mes vacances souvent au Gers, je peux vous dire que souvent, je me souviens d'un été, il y a 3 ans, où j'ai mis 1h30 en voiture à trouver une connexion Internet. Parce qu'il y avait la seule boîte informatique dans la sous-préfecture était fermée, il n'y avait pas de café avec wifi gratuit, il n'y avait strictement rien. Le Gers, c'est un département rural qui fait de la pub pour attirer des Parisiens avec les fibres pour qu'ils s'installent, mais un accès public à Internet n'existe pas. J'ai trouvé une espèce de heureusement qu'en France, il y a encore un service public, donc j'ai trouvé une espèce de maison de jeunes où j'ai pu, après négociation, utiliser un poste Internet. Mais en fait, il n'y a rien. Donc on oublie souvent que cette connectivité, elle est très très limitée, elle est très relative. Et encore plus quand on part d'une population qui se situe en Afrique. Donc c'est là aussi, c'est à l'heure. Donc raison pour laquelle le local est toujours pour moi connecté à quelque chose de local. Alors ensuite, deuxième partie du titre, à travers le premier titre, à travers les événements festifs, je vais vous expliquer plus en profondeur pourquoi j'ai choisi cet exemple, mais une des propositions que je fais, et je partagerai d'abord avec vous des questionnements et des critiques, une des propositions que je fais, c'est de faire une entrée méthodologique par l'événement et par le territoire. En gros, le propos central que je voudrais partager aujourd'hui avec vous, c'est il y a beaucoup de critiques à apporter à la manière dont on a travaillé sur l'immigration. Et je m'inclus en fait dans les personnes dont la manière peut être critiquée, en fait, je vous expliquerai pourquoi. Et deux propositions auxquelles je reviens, et ça c'était un peu le fruit de ce travail avec Nina Glikchela et Achit Chalar, c'est donc la situation sociale, donc qu'est-ce qui se passe autour d'un moment, à un moment donné. Donc, vous connaissez peut-être les réflexions autour de la situational analysis, c'était un des premiers bouquins de Steve Wotovec, qui est maintenant un grand Manitou des recherches sur la migration, qui dirige un énorme centre Max Planck, c'était sur la situation analysis, en fait, the urban context. Et c'était les deux, c'était à la fois l'analyse situationnelle et le territoire urbain. Donc c'est là où je vais en venir, à la fin de mon propos. C'est travailler dans l'espace urbain, dans un territoire, et observer des événements. Alors, donc j'ai travaillé pendant 15 ans en fait, sur les réseaux religieux et politiques de migrants et migrantes sénégalais et sénégalaises, en partant de l'anthropologie politique, de la sociologie des religions. J'ai fait du terrain en fait d'abord en Allemagne, ensuite j'ai suivi les migrants au Sénégal, dans l'espace urbain et aussi dans l'espace rural. Ensuite je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus personne au Sénégal en ce qui concerne la gente masculine, donc ils étaient tous en Italie ou en France ou certains aux États-Unis. Donc j'ai suivi les réseaux migratoires et j'ai fait ce qu'on appelle du nationalisme méthodologique, donc j'ai suivi les Sénégalais. Ça se faisait à l'époque, on suivait en fait un groupe et un groupe en supposant que ce groupe se définit en tant que tel. C'est la grande différence, c'est-à-dire la catégorie émique et la catégorie éthique étaient en fait se superposaient, hein. Petite excuse que je peux avancer en ce qui me concerne, c'est que j'ai travaillé sur l'engagement politique. J'ai travaillé sur les élections et sur l'opposition politique, dont le leader était à l'époque en prison. En 1994, Abdoulaye Wade était en prison avec un leader religieux très connu. Et donc, les élections sont par définition liées à une appartenance nationale, donc on ne peut pas voter quand on n'a pas la citoyenneté. Enfin, encore qu'il y a il y a nationalité et citoyenneté. Donc en fait, ça se justifiait. Donc j'ai appliqué ce qu'on appelle l'analyse de réseau, l'ethnographie. J'ai aussi mené quelques interviews semi-guidées, mais j'ai beaucoup travaillé sur l'entretien informel, puisque c'était donc une opposition qui était en prison. Donc il ne fallait surtout pas venir avec un questionnaire et une bloc-notes, mais surtout essayer de gagner la confiance des personnes. Et je me suis aussi déjà servi de quelques méthodes audiovisuelles. Et l'analyse de contenu, évidemment, se réfère au texte, aux matériaux produits par les acteurs eux-mêmes. Et en fait, je me suis rendu compte que ce réseau transnational, je rappelle peut-être que 10% de la population du Sénégal vit à l'étranger, c'est considérable, 10%. Donc, et puis ce sont les personnes évidemment qui ont le plus de ressources. Ce n'est pas ceux qu'on voit mourir sur les pirogues, en partie c'est surtout les personnes qui ont un capital culturel et économique extrêmement important. Et j'ai constaté que en fait, pour que le réseau fonctionne, il faut qu'il soit ancré localement. Donc en gros, je vais sortir un bouquin sur les politiques transnationales aux éditions Petra bientôt, donc je ne vais pas rentrer complètement dans l'empirie de ce travail sur les Sénégalais. Mais déjà, en conclusion, en fait, à Paris, je me suis rendu compte que les Sénégalais étaient très ancrés à Barbès et dans le nord parisien, évidemment, avec les réseaux indiens qui aidaient à dupliquer des cassettes vidéo qui étaient des outils clés pour la campagne électorale. Ils étaient très liés à Alain Madelin et à la droite libérale, parce que c'est la même école de W.I. Wade, alors qu'évidemment Diouf était très lié au PS. Donc il y avait des alliances politiques qui expliquaient aussi cet ancrage local. Mais ce que j'ai constaté à l'époque où je faisais ma thèse, c'est que en fait, les intérêts des uns et des autres étaient de plus en plus tournés vers les États-Unis et le Canada. Cela concerne des collègues avec qui j'ai fait ma thèse, qui sont devenus professeurs au Canada, parce qu'ils n'ont pas trouvé de poste en France. Ils sont d'ailleurs très contents, en fait, au Canada, ils ne regrettent pas. Ça concerne aussi des entrepreneurs, des personnes qu'on oublie souvent, parce qu'en France, on a plutôt une vision fixée sur les années 70, les pauvres immigrés qui sont dans leur bar et qui ne peuvent pas s'organiser. C'est tout à fait faux. N'importe quelle personne, quel que soit son niveau social, a ce qu'on appelle en allemand un Lebensentwurf, une perspective, un projet de vie. Et l'école française durkheimienne, je pense, qui est un peu emprisonnée dans un certain holisme, a souvent traité les migrants de manière collective et pas de manière individuelle. Donc, à part quelques chercheurs comme l'équipe de Migrinter, les géographes, en fait, qui ont vu la manière individuelle de s'organiser, les équipes, en fait, qui sortaient d'une école marxiste, qui ont une longue tradition, en fait, de vision holiste, non, pendant longtemps pas vu la capacité d'auto-organisation des migrants. Ils ont un petit peu traité de manière un peu paternaliste, je trouve, comme un groupe homogène, ce qui n'est même pas vrai quand on se penche sur les années 60-70. Parce que le fait de travailler chez Renault à Boulogne-Billancourt, à Boulogne-Billancourt ne veut pas dire qu'il y a une homogénéité en fait, d'un point de vue social, ethnique, religieux, etc. Donc là aussi, je pense qu'il y a eu des erreurs liées à l'histoire politique de la sociologie en France. Mais bon, je ne vais pas trop cracher dans la soupe parce que j'ai été formée là-dedans. Et donc, je me suis rendu compte en allant à New York, parce que j'ai suivi en fait ces migrants qui avaient subi aussi des discriminations en France, notamment les hautement qualifiés. Je les ai suivis aux États-Unis parce que la campagne électorale se situait aussi beaucoup aux États-Unis et au Canada. Et juste un détail, en fait, à l'époque où j'ai suivi les réseaux politiques dans les années 2000, la Concorde volait encore et puis les deux candidats principaux ont pris la Concorde de Paris à New York pour marquer le coup. Donc quand on voit ce que ça coûte en termes absolu et en termes relatifs, ça montre l'importance qu'ils accordaient au réseau américain. Et qu'est-ce que j'ai découvert aux États-Unis ? J'ai découvert une extraordinaire capacité d'organisation de ces Sénégalais qui se déroule autour d'événements. Donc là, je suis de nouveau le territoire et l'événement. Un exemple que je vous montre, ça c'est une affiche en fait qui a été créée pour alors les semaines culturelles 2008 autour de la Mouride Islamic Community in America. Alors pourquoi je vous montre cette affiche ? Parce que cette affiche montre la capacité d'enracinement dans un espace politique local. Parce que cette affiche a des références américaines et des références sénégalaises qui créent quelque chose de nouveau. Enfin, c'est pas seulement le puzzle entre les deux, c'est vraiment une nouvelle manière d'aborder cet événement qu'on peut voir. Là, vous voyez le fondateur de la confrérie des Mourides, donc c'est la seule image qu'on a, envoyé en exil au Gabon par les colonisateurs français. On voit quelques personnalités actuelles de la confrérie des Mourides, notamment celui-ci qui fait des tournées en fait mondiales, qui va voir les disciples un peu partout dans le monde, dans les différents pôles migratoires. Et on découvre en fait quelque chose que je trouve assez surprenant, c'est Cultural Weeks Program. En fait, pourquoi ça s'appelle semaine culturelle ? Eh bien, parce que les personnes en question ont adopté en fait un discours culturaliste pour s'ancrer dans le paysage politique américain. Ils ont notamment négocié avec le maire de Manhattan l'instauration d'un jour de fête qui s'appelle Cheikh Ahmed Bamba Day, qui est en honneur de ce personnage. En fait, tous les ans, c'est le 28 juillet. Où se déroule en fait une énorme parade en honneur de Cheikh Ahmed Bamba. Et il n'est pas vendu entre guillemets comme leader religieux, mais comme leader communautaire, social. Et on cite Martin Luther King en fait pour dire voilà, on a un grand leader africain à l'image de Martin Luther King qui rassemble en fait la communauté entre guillemets, parce que vous avez compris que je critique ce terme, des Africains de l'Ouest. Alors quand on lit, il y a une déclaration, pour manger la copie de la déclaration officielle donc, du maire de Manhattan et du maire aussi d'Atlanta, où il y a une grande communauté, on a compris que les Sénégalais qui se trouvent aux États-Unis en fait, ont réussi à s'implanter localement en se servant en fait de dispositif américain, du dispositif local, en l'apprenant, mais pas seulement en apprenant l'anglais tout simplement, mais en apprenant la manière dont on négocie en fait un objectif politique aux États-Unis. Donc il faut plus que l'anglais, il faut vraiment tout un langage, pas seulement la langue, mais tout le langage. Et ça aussi, c'est un terme qu'on ne peut pas traduire ni en allemand, ni en anglais. Enfin, langue et langage, ça c'est une très très bonne distinction, je trouve, en français, qui montre la complexité de la transposition en fait, d'une logique politique. Donc ça, c'est une... Alors, quand j'ai travaillé sur New York, pareil, je suis partie de Sénégalais, puis j'ai découvert, en fait, très très grande complexité des relations avec les autres groupes entre guillemets d'intérêt, parce que pour comprendre la manière dans ce réseau donc transnational s'est ancré localement, bien, il faut voir les relations avec les autres personnes d'un point de vue situationnel, c'est-à-dire il faut pratiquer l'analyse situationnelle pour comprendre les enjeux politiques. Quand on focalise uniquement son regard sur un événement, notamment quand on suit le Cheikh Ahmed Bamba Day, on a l'impression que les Noirs américains et les Sénégalais sont des grands frères, parce que le discours c'est Black is beautiful, c'est Malcolm X, donc le grand leader en fait de l'islam noir dans les années 70, dans une mosquée porte le nom à Manhattan. Donc c'est, on a l'impression qu'il y a, ça, il y a une fraternité basée sur la race et sur l'origine. Enfin, on peut dire race aux États-Unis, en France, je mesure l'enjeu, mais je le dis exprès parce que si on peut, parce qu'on met les guillemets tout de suite. Justement, les... exactement. Je me disais que voilà, avec toi comme directeur de thèse, on peut le comprendre avec toute la complexité et la dérision que je mets derrière. Donc là, on a un exemple pour un discours qui crée une communauté, qui fait communauté en société dans une situation sociale. Simplement, ce discours est lié donc à une volonté d'obtenir des convertis, hein, qui trouveraient une nouvelle fierté dans l'appartenance en fait à une confrérie qui a des racines africaines, parce que ça se réfère à l'histoire de l'esclavage. Hein, et j'ai travaillé à l'époque, quand j'étais à New York, au Schomburg Center for Research in Black Culture, une partie de la New York Public Library, et j'étais en fait au sous-sol où vous avez les archives des noms de familles et des patronymes de l'époque coloniale. Donc j'ai vu défiler X personnes qui essayaient de trouver en fait l'histoire transatlantique de leurs origines familiales. Et le patronyme en fait qui a été donné par les personnes qui possédaient ces esclaves. Hein, donc il y a un intérêt vraiment très très fort en ce moment pour l'Afrique. Il y a des voyages à Gorée, hein, d'où sont partis les esclaves, l'île au large de Dakar. Et cet intérêt, ce renouveau en fait de l'intérêt pour l'Afrique en fait, espèce d'afrocentrisme en fait, hein, déjà évoqué par Senghor, Mbembe et d'autres, en fait participe en fait ou est un facteur important pour la compréhension en fait du succès de ce type d'événement. Et quand les Mourides donc font leur parade à New York, c'est bondé, enfin vous avez 500 000 personnes dans Manhattan, c'est impossible à Paris. À Paris il y a des petites parades depuis 2 ans, il y a des Mourides aussi qui défilent à Paris, mais c'est très très petit, puis évidemment ça prend pas la même ampleur. Alors pour ceux qui connaissent les États-Unis, vous allez dire ah oui mais ça ne mange pas de pain, chaque communauté a sa parade. Moi j'étais au Labor Day aussi au 1er septembre, vous avez les Antillais, vous avez les West Indies, donc 1 million dans la rue à Brooklyn. Certes, mais ce qui m'intéresse c'est qu'est-ce que ça signifie pour la compréhension de cet enracinement local, de ce réseau transnational. Et c'est très important parce que c'est filmé, c'est mis sur internet, il y a une espèce d'ubiquité qui est construite avec la diffusion des messages religieux et la diffusion aussi des représentations sur cet événement. Et je suis ravie d'être invitée par un labo qui s'intéresse à la reconnaissance, parce que justement les luttes pour la reconnaissance passent aussi par les preuves de reconnaissance d'ailleurs. Donc les Sénégalais qui sont en France évidemment disent ah mais regardez, aux États-Unis on est reconnus, il y a la New York Police qui accompagne Cheikh Murtada Mbake que j'ai suivi en 2004 jusqu'à son hôtel et maintenant jusqu'au centre en fait islamique qui a été construit à New York. Regarder la reconnaissance en fait, hein, c'est pas pour l'encadrer et pour l'empêcher de se sédentariser sans papier, c'est pour l'honorer, hein, que la police new-yorkaise a accueilli les Sénégalais, hein. C'est bon, tout en honneur, pas pour les piquer justement. C'est notre logique en fait de présence dans l'espace public, et cette reconnaissance en fait elle est vendue, enfin, sous forme de vidéos, de cassettes, de podcasts, où elle est téléchargeable maintenant librement, parce qu'on veut montrer en fait que la reconnaissance fonctionne dans un pôle migratoire et qu'elle doit fonctionner aussi dans un autre pôle. Et en ce moment, je dirige un doctorant qui veut fonder le Al-Azhar Institute de Genève, hein, qui est le petit-fils de Cheikh Amadou Bamba, et qui essaye justement de négocier avec les autorités suisses en apprenant le langage suisse, hein, qui est très compliqué aussi, pour avoir en fait un soutien et une reconnaissance institutionnelle. Mais il le fait évidemment autrement, parce qu'en Suisse, contrairement à la France, dans certains cantons, la liberté de la pratique religieuse est très importante, et la reconnaissance de communauté et la subvention de ces communautés, elle est importante aussi. Passe par les impôts, comme en Allemagne, dans certains cas. Et donc, il essaie de négocier d'une autre manière parce qu'il a compris le langage local. Donc, c'est encore une fois, un argument pour comprendre ces logiques, il faut absolument comprendre le langage local et il faut suivre, il faut voir ce qui se passe sur le territoire. Alors, je vous ai dit que pendant cette campagne, il y a une grande fraternité qui est mise en avant, mais il ne suffit pas d'observer l'événement parce que c'est une situation sociale particulière qu'on peut... En fait, traité comme une arène politique, j'aime beaucoup cette idée de Jean-Pierre-Olivier de Sardin et de Thomas Birchen d'arène politique, parce qu'est-ce qui se passe dans cet événement qui, donc, qui fonctionne comme une arène, en fait. Mais il faut sortir de l'arène et voir ce qui se passe à la sortie, justement, et qu'est-ce qui se passe derrière. Et à la sortie, eh ben, il se passe des conflits sanglants autour du territoire de Harlem, parce que les Sénégalais ont contribué à ce qu'on appelle gentrification de ce territoire en rénovant les espaces, en créant des commerces. Cela coïncidait avec la politique de Giuliani, la zero tolerance politique, donc les Sénégalais se vendaient comme les bons musulmans anti-alcool, anti-drogue, etc., qui allaient mettre un peu d'ordre dans cet endroit de Harlem complètement délaissé. C'est un phénomène mondial pour le coup, hein. Vous avez des quartiers parisiens auxquels personne ne s'intéressait il y a encore 25 ans, où maintenant vous avez des défilés hein, de cars, enfin moi je le vois à Belleville où j'habite encore, enfin, quand je suis à Paris, maintenant vous avez des marcheurs, vous avez des clubs photo, vous avez tout le monde se défile à Sainte-Marthe, il y a 20 ans il n'y avait pas un char, hein. C'était... Le Canal Saint-Martin, c'était en tournée des films Coupe-Gorge sur le bassin de la Villette, et maintenant il y a le MK2, etc. Donc il y a une espèce de gentrification qui veut attirer le touriste par la diversité, hein, pas la diversité ethnique. On montre un peu à quel point on est ouvert sur le monde, parce que le tout blanc, ça n'intéresse plus personne. Donc, et ça se passe à Harlem aussi. Et Nina Gekchila a défini un terme que je trouve très intéressant pour expliquer, enfin pour aborder ce phénomène, c'est rescaling cities. Donc rescaling cities, ça vient de la géographie sociale américaine, Neil Brenner, enfin pour ceux qui s'intéressent. Et en fait, elle dit, il y a des villes qui se positionnent dans un marché mondial. Et là, dans mon exemple, c'est le marché pour avoir des touristes. Et en fait, on peut tomber et monter très vite dans ce marché mondial. Et les migrants sont les acteurs clés qui interviennent dans ce processus de rescaling, hein, de remise à échelle. Enfin, c'est un peu bancal, mais en tout cas, les migrants, en fait, avec leur pouvoir en fait, d'appropriation de ces espaces, sont des acteurs clés. Et les villes ont compris que les migrants sont des acteurs clés. Donc maintenant, les villes, les autorités, notamment à Paris, prennent les migrants comme des acteurs à part entière, ils s'approprient les espaces pour les vendre ensuite aux touristes. Enfin, en gros, je résume, ça serait toute une autre problématique encore, mais cela montre en fait l'interaction et ça montre encore à quel point il faut changer de perspective et prendre les personnes en question comme des acteurs à part entière qui modifient sur l'échelle planétaire en fait un positionnement d'une ville ou d'un quartier. Et Nina Gekchila l'a montré pour Halle en Allemagne et Manchester en Grande-Bretagne où elle est professeure, et elle a montré aussi pour Manchester aux États-Unis. Donc elle a comparé en fait les activités religieuses d'un groupe pentecôtiste et leur implantation en ville et leur manière en fait de faire baisser ou augmenter en fait le potentiel économique de ces quartiers. Et Aïcha Chaler l'a montré pour Essen et pour Berlin et pour Istanbul. Donc c'est un sujet tout à fait intéressant et l'année prochaine sortira un bouquin que j'avais fait avec deux collègues sur Lahour et Istanbul qu'on a appelé en fait The Marketing of Diversity, enfin, c'est le titre de travail, ou The Economy of Urban Diversity, voilà, ça c'était l'économie de la diversité urbaine, donc comment une ville comme Istanbul a vendu son passé ottoman en fait aux organisateurs de la capitale culturelle d'Europe tout en masquant la discrimination des Kurdes évidemment et d'autres minorités. Et Lahour, c'est pareil, c'est le passé industriel, l'immigration polonaise et turque et le patrimoine donc, industriel qui est mis en avant et qui fait partie en fait, de ce marketing de la diversité. Alors pour avancer un petit peu dans les questions épistémologiques, donc, je me suis posé deux questions. Comment sortir du nationalisme ou de l'ethnicisme méthodologique hein, et de la pensée en conteneur? Penser en conteneur, ben c'est un peu l'idée des nations en conteneur hein, qui ne se toucheraient pas. Lourdes Caprice a beaucoup travaillé là-dessus. Et comment aborder les phénomènes migratoires sans créer ou réifier l'altérité. Et là, je vais jeter un petit pavé dans la mare pour vous demander votre avis, parce que je suis en pleine réflexion là-dessus. Donc j'ai donné quelques réponses à la première question. Regardez ce qui se passe dans une situation sociale donnée, regardez les alliances, notamment politiques, qui se créent dans un territoire, et montrer en fait que les appartenances sont relatives et multiples. Je ne sais pas si vous connaissez un peu cette discussion autour de multiple belonging, Nira Yuval Davis et d'autres qui ont réfléchi sur la notion d'appartenance et de boundary making. Ça, c'est un autre concept américain. Je suis désolée, je suis un peu américano-centrée en ce moment sur mes concepts, mais parce que je trouve qu'il y a quelques très bonnes idées qui viennent en ce moment de cette réflexion anglophone. C'est pour ça que je les utilise. Donc cette idée d'appartenance multiple permet de dépasser une idée un peu figée des appartenances qui pouvait être déduite d'une mauvaise compréhension de l'intersectionnalité. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les débats autour de Kimberly Crenshaw, qui avait inventé le terme d'intersectionnalité. Donc la manière dont race, classe et genre s'imbriquent en fait dans une situation sociale et peuvent créer une double discrimination basée sur la perception en fait de ces facteurs. Mais là, on a eu tendance à figer les acteurs eux-mêmes dans cette configuration, et ce qui manquait un petit peu à cette approche, c'est le caractère dynamique, donc la situation sociale. Donc ça, c'est aussi une proposition que je fais. Donc en fait, je résume ce que j'ai dit sur les différentes propositions. Donc premièrement, opter pour une localisation de la migration, donc vraiment s'insérer de manière très intime dans un territoire, tout en voyant bien sûr les interconnexions, mais la connaissance intime d'un territoire ne peut pas, on ne peut pas faire l'économie de ça, on ne peut pas surfer uniquement sur internet ou faire du terrain entre 5 et 7, il faut vraiment être là la nuit, le jour, dans les périodes creuses, pas seulement quand il se passe quelque chose au niveau spectaculaire, mais surtout quand il ne se passe rien, parce que ça c'est très instructif, même si c'est ennuyeux par moment. Mais c'est à 3h du matin dans certains endroits qu'il se passe plus de choses qu'au moment où la fête bat son plein. Donc, opter pour une localisation de la migration ou à l'analyse d'un espace social translocal. Donc là, j'ai aussi mis translocal au lieu de transnational, parce qu'il y a vraiment un enracinement dans une localité, les interconnexions locales qui m'importent. Donc là, revenir à la géographie sociale. Deuxième point que j'ai abordé, c'est donc prendre une situation sociale comme porte d'entrée sur le terrain. L'événement, la fête, je montrerai encore deux autres exemples empiriques pour ça, et avoir une vision dynamique de la constitution des groupes. Donc ne pas penser que les musulmans seraient un groupe avec un intérêt homogène, les Sénégalais seraient un groupe, etc., mais montrer que l'appartenance à ou la construction commune d'un héritage, par exemple, ou la mise en avant d'une appartenance religieuse peut avoir sens dans une situation sociale donnée, mais peut ne pas avoir sens du tout dans une autre. Donc bien voir cet intérêt commun qui regroupe des personnes, des groupes stratégiques, mais qui peut les séparer aussitôt. Alors le pavé dans la marque, je voulais ajouter maintenant qu'on peut de nouveau peut-être aborder un terme qui était un peu compromis par un certain ex-président, c'est approcher les groupes sociaux avec l'optique de la diversité. Ça, c'est quelque chose que j'ai envie de discuter avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi qui occupe une chaire donc, intitulée Religion, Migration, Diaspora, je travaille beaucoup sur des personnes qui ne sont plus migrants, qui sont là. Alors comment on fait en termes justement de catégories sans réifier, sans renvoyer sans arrêt les personnes à leur origine? Parce que les Canadiens et les Italiens de France ne sont plus renvoyés au bout de la quatrième génération de leurs origines. Pourquoi est-ce qu'on le fait toujours avec les Maghrébins et les Africains ou les Vietnamiens? Et encore, je pense que les Asiatiques, c'est plus périssable aussi que l'origine africaine, d'un point de vue de la perception de l'autre dans le débat public, hein, et aussi dans l'interaction sociale. Hein, il y a des groupes qui sont tout le temps renvoyés à leurs origines, entre guillemets, ou qui se revendiquent d'ailleurs aussi, comme le CRAN, et qui le font sciemment, et pourquoi d'autres ne le sont pas. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, je pense qu'on est un petit peu tous en réflexion pour se trouver une solution. Hein, parce qu'on a l'intersectionnalité avec race, class, gender. On a des groupes qui se définissent donc eux-mêmes ou des individus par rapport à ces origines. Mais est-ce que c'est juste que nous, en tant que chercheurs, on le fasse avec nos catégories éthique, hein, ou est-ce qu'il faut partir uniquement des catégories émiques? Ça, c'est une question vraiment, je pense, c'est un espèce de paradoxe dans lequel on se trouve. Hein. Et encore une fois, je trouve que la situation analysis permet de montrer que dans telle situation sociale, on peut se référer à l'héritage ou à l'origine, et dans telle autre situation, on est juste commerçant, on est juste professeur, on est juste marchand de journaux, mais on ne met pas en avant justement d'autres aspects de cette appartenance. Alors, brièvement, ça c'est encore un autre terrain, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un terrain que j'ai fait pendant de longues années après celui des Sénégalais. C'est en fait des mobilisations à Belleville. Il y a un bouquin qui vient de sortir qui s'appelle Belleville, quartier populaire, point d'interrogation, où on a justement cette approche territoriale et on se montre ce qui se passe à Belleville. Moi j'ai travaillé sur des mouvements qui s'opposaient à la destruction de cette rue que vous voyez, qui est la rue Sainte-Marthe. Si vous êtes déjà passé, il y a la place Sainte-Marthe, qui est une place très pittoresque, beaucoup de films qui sont tournés là-bas. À l'époque où j'ai emménagé, donc là, en fait, il y avait encore plein de voitures partout, il n'y avait pas de café, c'était complètement délabré. Et maintenant, ça a été réhabilité, mais ça devait être détruit à l'époque. Donc j'ai regardé un petit peu quelles étaient les luttes politiques autour de ce territoire et comment les groupes, justement, se sont agencés pour le sauver. Et un facteur clé de la mobilisation, c'était l'événement, la création d'événements, création de fêtes, création de marches, création de visites guidées pour attirer l'attention des hommes et femmes politiques sur ce quartier. Beaucoup l'ignoraient en fait, hein, beaucoup n'étaient jamais venus et avaient juste signé des arrêts de mort sans avoir vu le caractère très pittoresque. Et ce qui était mis en avant par les acteurs, c'est la diversité des habitants. Donc là, on a eu une réification consciente, donc des appartenances culturelles des habitants et aussi de la diversité de la stratification sociale pour sauver le quartier en disant il ne faut pas que ça se boboise complètement, il faut aussi une place pour toutes ces familles nombreuses qui se logent dans les deux pièces à Sainte-Marthe, même si c'est peut-être insalubre, mais on veut justement la rénovation et ces personnes ne pourraient jamais se payer un 5 pièces, donc il faut pas tout modifier, il faut qu'il y ait cette possibilité de vivre ensemble entre bobos, entre familles qui ont des moyens très, très réduits pour vivre. Et il faut aussi préserver toutes les origines. Donc là, vous avez la personne clé, en fait, qui a organisé la plupart des fêtes. C'est une personne qui est arrivée en France en 1976 d'Algérie et donc qui est depuis fort longtemps naturalisée et qui dans certaines situations sociales met en avant justement le caractère musulman, enfin, ou l'aspect musulman de ses cultures. Dans d'autres situations, elle se définit par une habitante de Sainte-Marthe, et la plupart du temps c'est le cas, hein. Elle est de Sainte-Marthe, donc elle est là depuis 30 ans, donc la légitimité qui se justifie par l'historicité de sa présence, hein. Donc, et ça je l'ai souvent vu dans les débats. J'étais aussi membre du conseil de quartier pour avoir une approche intime, hein, de ce qui se passe, et pour fréquenter aussi des élus pour voir vraiment ce qu'ils pensaient derrière les rideaux, en fait. C'est la connaissance intime du quartier, donc du territoire, et la présence dans l'histoire qui donnait en fait des lettres de noblesse aux personnes qui se sont engagées pour le quartier. Et ça, ça a été mis en avant par tout le monde, donc une espèce de communauté soudée autour du territoire, ou l'amour pour le quartier. Hein, ça aussi, c'était un grand critère, ça revenait tout le temps, l'amour pour le quartier, et pour le quartier tel qu'il est, hein, d'un point de vue des habitants. Et en fait, Ce qui est intéressant, c'est justement l'appartenance donc à une culture algérienne, musulmane, etc., est mis en avant dans certaines situations sociales et symbolisée en fait souvent par la musique et par les repas. Hein, donc là, vous voyez, elle a des crêpes, elle a des sandwichs brésiliens, enfin qu'elle vend en tant que telle. Hein, elle dit c'est des sandwichs brésiliens. Et puis évidemment, elle fait du couscous, du thé à la menthe, de la pâtisserie. Donc elle montre la diversité d'un point de vue symbolique par les repas. Et puis elle les vend en tant que telle. C'est pas moi qui interprète, c'est vraiment elle qui dit voilà, on est venu de partout. Il faut bien montrer en fait la diversité de ses habitants. Et puis je mélange tout. Donc un coup elle invite du jazz manouche, des chansonniers. Il y a toujours un kabyle qui joue de la guitare, enfin, du zat aussi. Parfois c'est de la guitare. Donc il y a des hybridations en fait de styles musicaux, mais tout est symbolique, tout est vraiment voulu pour montrer qu'on a un quartier diversifié qui doit être préservé. Et une fois elle a d'ailleurs invité des mourides qui faisaient des chants religieux, et personne n'a su que c'était des chants religieux. Ça faisait folklorique, ça faisait exotique, parce qu'il y avait un Sénégalais qui avait une boutique pour le coup pour les bobos, où ils vendaient en fait des tissus et quelques aliments, mais c'est une boutique telle qu'on peut les trouver dans le Marais, et pas du tout une boutique telle qu'on peut les trouver à Dakar. Celle qui ressemble à la boutique de Dakar, on les trouve encore à Barbès ou en Seine-Saint-Denis, mais là c'était clairement pour répondre à la demande d'exotisme de certains bobos en fait. Et ça a créé des conflits locaux aussi entre ceux qui peuvent plus payer le café parce que c'est devenu trop cher, ni les logements, et ceux qui ont toujours été là et qui veulent justement que le quartier ne devienne pas trop célèbre. Mais c'est trop tard. Enfin, si vous tapez Sainte-Marthe sur Google, vous avez X hits. En fait, vous avez. Enfin, c'est trop tard. Mais le quartier est préservé. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais là aussi, j'ai montré en fait dans certains articles. Que quand on se penche sur la situation sociale, on voit quels sont les groupes qui s'agencent autour de cette territoire, et on découvre que ces groupes soit ne se définissent pas du tout par leurs origines ou par leur religion, ou bien ils le font consciemment en connaissance de cause pour obtenir quelque chose. Hein. Mais là aussi, ça serait totalement réducteur de dire je travaille sur les Maghrébins de Belleville, ça n'a aucun sens, hein, parce que c'est pas un groupe. Il n'y a pas de lien, sauf dans certaines situations sociales, peut-être quand on se retrouve aux quatre frères pour manger un couscous. Et encore, c'est pas parce que vous allez dans un restaurant que vous trouvez des points communs avec vos voisins. C'est totalement, c'est dans la tête du chercheur, mais après, faut vérifier auprès du terrain si c'est juste. Et là, encore une preuve pour l'importance du territoire. Sans les gens de Sainte-Marthe qui ont fait un bouquin qui s'appelle Sainte-Marthe Territoire. Donc c'est le titre qui a été choisi. Et par un photographe, et où on voit quelques célébrités locales, un créateur de mode sénégalais qui fait la Berlin Fashion Week, Sadio B, qui présente sa collection sur la place, d'autres artistes, des photographes, et puis évidemment Keira, qui a fondé une association qui s'appelle aux quatre horizons. Là aussi, aux quatre horizons, tout un programme. On vient de quatre horizons. Le logo, c'est un globe avec quatre personnes qui se tiennent la main, qui représentent le cliché du chinois avec le chapeau comme ça, l'africain, le blanc. Enfin, là aussi, c'est la construction de la diversité dans le logo. C'est donc programmatique. Donc, en fait, vous avez compris l'idée que j'ai envie d'avancer. Donc, c'est de prendre les événements festifs comme arène politique et ou religieux, selon la question de recherche qu'on se pose, dans un contexte de migration. Et donc là, je me suis penchée beaucoup sur les urban studies, hein, donc les recherches en anthropologie urbaine. Vous avez la chance ici à Nanterre d'avoir Anne Rollin comme prof, hein, qui fait vraiment des choses intéressantes dans le domaine de l'anthropologie de la ville. Elle travaille sur les carnavals chinois de Paris et aussi cette configuration très complexe. Et à Lausanne, on se penche beaucoup sur l'événement en religion. Et donc j'organise un colloque en octobre sur l'événement en religion qui montre aussi qu'on peut aborder la complexité des rapports sociaux autour de ces événements religieux, Et j'ai des collègues en fait qui travaillent par exemple sur les JMJ de Madrid, de Cologne, c'est des journées du pape, et qui montrent aussi que c'est pas forcément les croyants qui y vont, hein, c'est aussi un point de rencontre pour les jeunes qui ont tout autre prétexte pour y aller que ce qu'on pourrait croire quand on regarde la propagande du Vatican, hein, c'est très compliqué aussi comme rapport, hein. Et puis bon voilà, je vous ai mis une liste de quelques terrains que j'ai abordés, des confréries donc soufis, donc les mourides à Harlem, New York, quelques fêtes et carnavals à Paris, Cologne, Cherbourg. Et je terminerai peut-être juste par quelques images de quelque chose de tout à fait inédit qui est en fait un pèlerinage inventé de toutes pièces des saintes et saints d'Afrique dans le Valais, donc dans Cambrousse, Suisse, où je suis actuellement. Et tout ça donc, mérite d'être filmé, donc l'anthropologie visuelle est très importante là-dessus. Donc là, vous avez une photo donc, de ce pèlerinage aux Saintes et Saints d'Afrique. Vous avez une Camerounaise qui porte un vêtement qui a été conçu exprès. Là, vous avez la tête de Jésus. Je ne sais pas si ça se voit, mais c'est très populaire en Afrique de l'Ouest, hein, de porter Jésus ou de porter des candidats politiques sur son t-shirt. C'est dans un contexte local, enfin africain, c'est pas du tout surprenant. Mais là, justement, ces costumes, là, vous en avez d'autres, ont été sortis sur la demande en fait de missionnaires suisses issus des Pères Blancs qui ont inventé ce pèlerinage pour remobiliser les catholiques suisses, hein, pour donner un peu de piment et pour attirer les migrants, pour que les migrants n'échappent pas au contrôle de l'Église catholique, qui est une Église donc, par définition très hiérarchisée, parce que ces personnes-là justement sont autonomes et construisent leur propre paroisse et se cotisent indépendamment du Vatican. Donc c'est aussi une manière financière qui échappe, hein, au contrôle de l'Église catholique suisse, qui avait l'habitude des Italiens, des Portugais qui rentraient dans les rangs de l'Église catholique suisse et qui avaient leurs prêtres certes et leurs horaires pour la messe, mais qui cotisaient, qui étaient sous contrôle. Et là, les Africains, ils sont beaucoup plus mobiles et volatiles. Il y a maintenant la concurrence des pentecôtistes, des prêtres charismatiques, donc on fait un peu du zapping religieux. Et donc, il faut inventer des événements pour rassembler tout ce monde. Et un événement donc, qui a été pensé il y a 10 ans, c'est le pèlerinage aux Saintes et Saints d'Afrique. Et là, vous voyez une affiche, c'est en Ouganda, les Saints Martyrs. C'est à l'époque coloniale. Où en fait il y a un événement qui où des personnes étaient obligées de se convertir et ont refusé de se convertir et sont morts pour leur foi, et ce truc a été ressorti par les Pères Blancs qui eux ont transposé les reliques de ces martyrs dans la ville de Fribourg en Suisse. C'est un haut lieu du catholisme suisse. Et ça s'est passé en fait bien après la période coloniale, et récemment ces reliques ont été transposées à Saint-Maurice. Saint-Maurice, c'est un des plus vieux abbayes au nord des Alpes. C'est le plus, il y avait des chanoines, il y en a toujours, et c'est l'abbaye où la plus ancienne qui a été habitée en permanence depuis 4 siècles, hein. Donc c'est clunisienne, enfin c'est un lieu très important. Et donc dans ce lieu, on a transposé les reliques au lieu de les rendre aux Ougandais, ce qui serait dans l'air du temps en fait, hein, avec les revendications actuelles tout à fait justifiées de justement de remise de choses qui ont été volées. Ben, au contraire, on a fait un outil de marketing pour attirer des Africains qui viennent à ces pèlerinages. Et là aussi, on est dans l'utilisation des appartenances. En fait, on a le stéréotype des Africains qui seraient beaucoup plus vivants dans la manière de pratiquer leur foi. Donc, on met un peu de piment, un peu de folklore en se servant de la diversité, hein, là encore. Et on veut, d'une manière un peu paternaliste, les incorporer dans une entité donc plus grande, la communauté des catholiques suisses. Et cette communauté-là, elle faiblit. Hein, y a une baisse de pratiques partout en Europe. Au niveau de l'Église officielle, mais il y a un regard religieux énorme au niveau des églises parallèles, enfin des nouveaux mouvements religieux. Donc on ne peut pas prétendre qu'il y a vraiment une sécularisation, hein, comme on l'a pensé longtemps. Cette thèse, elle est contredite par l'empirie, mais il y a une diversification de la pratique religieuse. Là, juste pour finir, je vous montre l'affiche pour l'événement qui se déroule dans 15 jours. Là, vous avez remarqué qu'on a enlevé le féminin, maintenant c'est que les saints d'Afrique, parce qu'il s'agit d'un massacre en fait, de Hutus et de Tutsis qui s'est déroulé en 97. Et c'était 40 séminaristes donc au Burundi à qui les rebelles ont demandé de se séparer entre Hutus et Tutsis pour massacrer que les uns et laisser vivants les autres, et puis ils ont refusé de se séparer, et puis ils ont tous été massacrés. Et donc ça, cet événement-là, donc qui s'est déroulé au Burundi, maintenant fait l'objet d'une célébration dans le Valais suisse pour attirer les Africains et pour remobiliser en fait l'Église catholique suisse. Donc là, il y a des enjeux politiques et financiers qui sont aussi, qu'on peut observer justement. En analysant ce qui se passe, ce qui se déroule autour de cet événement. Là, vous voyez le balafon, hein, ça c'était l'année dernière. Donc vous avez des gens qui, avec le chapelet, vous avez d'autres qui chantent des en béti, donc chorale camerounaise. Vous avez différents groupes qui se croisent, mais à mon avis qui se mélangent que pour l'occasion de partager cet événement, mais à des fins tout à fait différentes, hein. Donc là aussi, l'observation de l'événement qui est une création de toute pièce, hein, on prend des reliques. Personne n'évoque que c'est incongru au possible, c'est du vol, etc. Donc il faudrait plutôt les rendre. Et en plus, on le célèbre sciemment et personne ne s'y oppose. Au contraire, il y a un suivi, mais ce suivi n'est pas naïf. Hein, ce suivi sert aussi en fait à forger des liens translocaux, pour le coup, à l'intérieur de la Suisse, parce que ça sert aussi de bourse d'échange. J'ai suivi longtemps des groupes de sans-papiers nigériens qui venaient et qui ont fini en prison et qui ont été renvoyés parce que c'était un lieu aussi où on pouvait avoir un soutien par l'Église, on pouvait avoir des lettres de recommandation si on était expulsé, etc. Donc c'est un lieu en fait d'échange politique. Hein, donc les gens ils vont pas seulement parce qu'ils se laissent embarquer, mais parce que c'est un des rares lieux en Suisse où on peut retrouver des Africains, parce que la Suisse c'est évidemment pas le même passé que la France. Vous trouvez plutôt des Bosniaques, des Kosovars, des Turcs, mais il y a très très peu d'Africains, et donc ces événements sont d'autant plus importants. Donc voilà, je termine en fait sur cette affiche en vous sollicitant en fait sur les questions que j'ai évoquées. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de la notion de diversité pour aborder justement une migration qui n'en est plus? Qu'est-ce que vous pensez de cette entrée dans la matière par l'événement et par le territoire? Donc merci beaucoup pour votre attention et au plaisir de vous entendre. Merci, voilà. Merci à vous pour cette intervention. Je pense qu'on finit en beauté avec une intervention très très riche, avec beaucoup de perspectives et beaucoup d'attentes, donc de réponses de la part du public. Donc je vous passe la parole tout de suite si vous voulez poser des questions. Moi, effectivement, le terme diversité, c'est un terme aussi que je rencontre. Je suis heureuse que les chercheuses confirmées comme vous se posent aussi des questions comme ça, parce que moi, c'est un terme. Je travaille sur les mobilisations des jeunes beurre dans les années 80. Ah oui. Je dis beurre là, parce que c'est comme ça qu'on disait à l'époque, mais c'est des questions qui se posent en permanence. Donc, c'est des gens qui sont nés en France, effectivement, mais qui. J'ai l'impression que les acteurs. Les acteurs eux-mêmes, diversité, le rejettent un peu. Alors, de ce point de vue-là, je trouve que, en plus, maintenant, on parle de issue de la diversité. Alors, oui, oui. Voir, coup, oui, ça n'a aucun sens. Si on est issu de la diversité, du coup, ça veut dire que diversité, enfin, c'est. Oui. Mais du coup, je me demande s'il ne faut pas croiser votre point 3 qui était avec une approche en termes de stratégie des groupes, et puis le point 4 qui est comment on les nomme, puisque comment on les nomme, c'est aussi lié à leur stratégie sur le terrain politique. Et donc, j'ai pas la réponse. La diversité, il me semble que c'est trop chargé de sens. Oui, en France, oui, évidemment. La France, la diversité, évidemment. Ça, c'est un peu compromis l'utilisation. Il y a la sociologie de la diversité qui vient de sortir. Enfin, il y a quelques réflexions en fait qui essayent de le détacher du politique. Il y a un autre bouquin que je citerai parce qu'il n'est pas très bon. Il est plein dans le discours de la France, la diversité. Mais c'est une c'est une des tentatives en fait de dépasser cette altérisation permanente. Alors pour votre sujet, je pense que c'est beaucoup plus simple parce que c'est une catégorie émique. Hein. C'était le mouvement des jeunes beurs, c'était la marche des beurs et ça s'appelait comme ça. Donc ah non, ça s'appelait pas comme ça. Non, non c'est vrai. Ah mais ça, alors c'est moi qui ai dit ça. Ça s'appelait la marche pour l'égalité et contre le racisme initialement. Ah, bah tiens, ah bah, tu fais bien de me corriger. Justement, en fait, le écoute, tu fais bien de me dire que c'était un point d'histoire qui me manque. Ah bah, merci pour la correction. Alors, du coup, c'est compliqué. Du coup, si... Il ne voulait pas être justement ethnicisé. Enfin, ça dépend qui, s'ils étaient très. Parce que j'entends tout le temps mes collègues qui ont fait cette marche, parce que moi j'étais au lycée à l'époque, qui ont fait cette marche. Ah, la marche des beurs, etc. Ouais. C'est un terme récurrent, donc tu fais bien de me. C'est un terme unique, c'est un terme qui vient quand même tout de la terre, mais qui a été effectivement réutilisé ensuite. Oui. Dans un point de vue un peu plus. Donc ça s'appelle comment ? Alors, la marche pour l'égalité. Ouais. Contre le racisme. Ah oui. Ah, ça c'est tout à fait autre chose. Et les acteurs aujourd'hui, donc des luttes pour de l'immigration postcoloniale, type Alger de la République, etc., tiennent beaucoup à cette. Rappeler cette marche, la marche pour l'égalité, pour le racisme, à rappeler cette dénomination. Et la marche des beurs, c'est celle qui. C'est estampillé. SOS Racisme, France Plus, qui a rebaptisé... Bourgeoisie, quoi. Bourgeoisie, oui, c'est ça. Bourgeoisie. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Oui, oui. Je pense que pour diversité, il faudrait aussi en faire l'histoire, c'est-à-dire voir à quel moment le mot apparaît en Allemagne, oui, quel moment il apparaît en France. C'est un projet en cours. Ah ben tiens, mais moi je suis en train de publier un article là-dessus pour la journée... allemande de sociologie, ils m'ont commandé un article d'histoire sur la diversité parce que le thème du congrès c'est Vielfalt und Zusammenhalt, diversité et cohésion sociale, ce que je trouve problématique d'ailleurs comme alors, il me semble, mais je n'ai pas vraiment travaillé dessus, c'est une importation des États-Unis, oui, directement, et que ça se voulait être un terme destiné à positiver tout ce qui relevait de la différence, de l'exclusion, etc. etc. Oui, oui. Enfin, je me souviens, j'étais encore en Allemagne dans les années 90, quand on a commencé à parler de diversity, ça se référait essentiellement aux divers engagements de grandes entreprises américaines qui avaient compris, entre guillemets, que c'était un avantage. Mais ça vient de plus loin, hein, en fait. Même aux États-Unis, ça vient de plus loin, parce que, à mon avis, à ma connaissance, un des premiers moments vraiment de l'implantation, c'est l'arrêt Baker de 1978, qui est l'arrêt de la Cour suprême, où, hein, alors j'essaie de me souvenir, c'est Alan Baker, qui était un étudiant blanc, en fait porte plainte parce qu'il estime que la politique de l'université, alors je ne sais plus si c'est l'université de Chicago, je crois que c'est ça, il estime que la politique de sélection de l'université de Chicago lui a barré la place à qui lui revenait à l'école à la faculté de médecine, parce qu'en fait sa place a été donnée à un étudiant noir très concret. Enfin, alors bien évidemment il ne le sait pas, mais l'idée c'est voilà, il estime avoir été discriminé de cette façon-là. Et il y a plusieurs appels, ça arrive à la Cour suprême et la Cour suprême va se diviser en fait complètement entre ceux qui disent il est bien de mettre en place une affirmative action à l'entrée des universités, et ceux qui disent, ou surtout pas, il ne faut absolument pas mettre en place ce genre de choses, parce que ça compromet l'égalité des étudiants. Et en fait, celui qui emporte le morceau, c'est le juge qui est tout seul. C'est-à-dire qu'il se divise en deux groupes, il y a un juge qui est tout seul, et ce juge qui est tout seul va produire, parce que c'est toujours comme ça que ça se passe, on a le droit, enfin les juges ont le droit de produire des avis dissidents. Et il va produire l'avis qui en fait va être l'avis suivi par la suite, qui consiste à dire il ne faut pas de quotas, mais les universités devraient faire tout ce qui est possible pour promouvoir le maximum de diversité de leur public. Et je pense que c'est un des moments où ça commence à se jouer. Alors après, le travail n'est pas fait, je ne sais pas du tout ensuite comment ça se diffuse, etc., ni même comment en France en tant que tel ça arrive. Uh-huh. Il y a un bouquin de Réjeanne Sénac, oui, c'est celui dont tu parlais tout à l'heure, auquel tu faisais référence, bon, qui tente un peu de faire l'arrivée du terme, etc., et qui interroge beaucoup d'acteurs sur la manière dont ils utilisent le terme. Donc il y a des choses intéressantes à prendre dans le livre, je trouve. J'ai du mal à saisir quel est son fil conducteur, en fait, véritablement, parce que le titre, l'invention de la diversité, laisse entendre qu'on va avoir à faire justement une étude un peu terminologique, les processus par lesquels le terme s'impose, etc. Ouais. Et finalement, c'est un mélange de terrain, de sondage, de choses comme ça, et on a un petit peu de et mal de conseils politiques à la fin. On a un petit peu de mal à s'y retrouver, on a l'impression que ça a presque été un appel d'offres, quoi, une réponse à quelque chose comme ça. Bref, c'est un peu sans vouloir être négatif, mais on a un petit peu cette impression-là. Mais je suis entièrement d'accord avec vous qu'il y a des termes comme ça pour lesquels on a besoin, y compris d'études collectives, à mon avis, et multilingues. C'est pour ça que ça serait très bien qu'on réussisse à faire quelque chose. Ça serait vraiment intéressant. Et je pense bien évidemment à diversité, et je pense à communautarisme, qui dans le cas évidemment. Français, est là aussi un terme qui émerge, à ma connaissance, à un moment très particulier. Et en fait, c'est des termes qui... Je ne veux pas monopoliser la parole, donc je m'arrête très vite, mais c'est des termes qui, en fait, font assez vite consensus. C'est ça qui est intéressant. Mm-hmm. Chez les militants. Pardon ? Pas tellement chez les militants. Non, mais politiquement, c'est des termes qui font consensus, et socialement, c'est des termes qui font consensus. Je ne dis pas auprès, ensuite, de effectivement, des militants à tel ou tel niveau, mais communautarisme est un terme qui fait consensus contre lui, et diversité est un terme qui, globalement, fait consensus pour lui. Et je trouve que c'est flagrant, parce qu'on a l'impression que, du coup, on vient cacher avec ces alors bien évidemment c'est pas conscient mais moi j'ai cette impression là. Tu parlais tout à l'heure des Asiatiques, j'ai été très frappé de voir que là avec l'entrée de Fleur Pellerin au gouvernement, eh bien on a parlé, on a dit qu'elle faisait partie des entrants de la diversité, alors qu'à ma connaissance je n'avais pratiquement jamais entendu parler des personnes dont on pourrait dire qu'elles sont d'origine asiatique, et on voit toute la périphrase qu'il faut utiliser pour arriver à dire à dire les choses. J'ai jamais entendu parler des personnes d'origine asiatique comme faisant partie de la diversité. Oui, ben justement. Et on l'entend pour Marine Diaye. On l'entend pour Marine Diaye, on l'entend pour Azouf Begag, on l'entend pour Fleur Pellerin. La première fois qu'on a eu cette expression, c'est le symbole de l'absurdité issue de la diversité. C'est au dernier des dernières élections législatives pour l'élection de Georges-Paul Langevin, où on a entendu dire la première députée issue de la diversité, ce qui est je crois qu'on l'avait, il s'avait déjà été utilisé avant à propos d'un préfet. Mais même il y avait eu préfet issu de la diversité, je crois également. Et en plus, ça n'a aucun sens. Et c'est repris, en fait, c'est un truc tout fait, c'est clé en main, et tchac, Mais en fait, il y a un aspect que j'aborde dans l'article là, qui va sortir, c'est la pratique en entreprise, parce que, à ma connaissance, parallèlement à ce cas juridique, en fait, il y a eu toute une logique à l'intérieur de certaines multinationales pour promouvoir la diversité, et c'est eux qui ont appliqué avant que la politique, en fait, ou les politiques le découvrent, ce sont les multinationales nationale qui découvre, c'est la pub Benetton, c'est la politique antidiscriminatoire, c'est la politique gay-lesbienne, gaspian-friendly, avec un cercle de... Tu connais peut-être Völklingerkreis, c'est un cercle de managers gays qui fait depuis longtemps des études sur la diversité, en fait, et qui essaie de promouvoir ça auprès des Siemens, etc. Enfin, la charte pour la diversité maintenant est signée par quasiment toutes les entreprises multinationales qui sont en Allemagne et par les administrations. T'as un site officiel du gouvernement allemand, en fait, avec la charte de la diversité. Donc c'est là où l'application est allée très loin, et d'une manière intéressante, parce qu'on voit tous les paradoxes de la réification et en même temps de cette ouverture voulue, mais qui contrecarre. Qui en fait enferme les gens dans leurs activités, je sais pas, religieuses, sexuelles, etc., qui regardent personne en fait, mais qui tout d'un coup sont mis sur le devant de la scène sous prétexte de vouloir donc faire un marketing de la diversité. Je pense que là aussi il y a ce marketing de la diversité. Il y a même un branding qui est vraiment très très fort, exactement, qui est mis en place. Mais ouais. de ce que tu ouais. dis, je comprends ouais. que du coup la question des orientations sexuelles ouais. en Allemagne ouais. est compris dans la oui. question de la diversité. Oui, oui. Oui, c'est ça. Alors qu'en France c'est pas le cas. À ma connaissance c'est pas le cas. Ça... Il y a le magazine France. Bah, je sais pas, mais j'ai pas l'impression que ça soit le cas. Non, c'est sur notre registre, c'est sur le registre de la lutte antidiscrimination. Ouais. Mais c'est pas sur le registre de cette diversité floue, vague. Moi, j'aurais tendance à dire que diversité en France, c'est d'une certaine manière en Allemagne. Au début, on a dit diversity pendant pas mal de temps en anglais. C'était utile parce que ça permettait d'un seul coup d'évacuer tout le vocabulaire qui était trop... Ça pouvait faire consensus. Oui, tout à fait. Oui, mais c'est pour ça que j'essaie, enfin je réfléchis, hein. Je ne l'ai pas encore utilisé pour aborder mes terrains, parce que ce que j'utilise davantage, c'est l'appartenance multiple et l'analyse situationnelle, parce que justement elle permet de ne pas enfermer les acteurs dans une étiquette qu'ils n'auraient même pas choisie, mais ça permet de montrer comment tel acteur choisit telle étiquette sciemment pour la mettre en avant dans une situation sociale donnée, dans une arène politique. Ça fait sens dans un moment et que ça ne définit pas les gens absolument. Oui, c'est pour ça que cette approche dynamique autour d'un moment en fait qu'on observe, et c'est pour ça que j'ai montré à quel point c'est compliqué aux États-Unis, où dans une situation donnée on peut se référer à cette origine commune, et dans une autre en fait on va plutôt se combattre parce que les Sénégalais vont embaucher des Mexicains dans les restos et pas justement les Noirs américains, parce qu'ils ont des préjugés énormes et terribles sur ce groupe pour le coup, enfin, qui définissent en tant que tel, et donc on va pas très loin avec cette idée d'appartenance commune de manière absolue, mais c'est uniquement de manière relative. Et pour la diversité, je suis juste en train de retracer un peu l'histoire, mais sans pour autant être convaincue de l'employabilité en fait en tant que catégorie conceptuelle. C'est pas compliqué. Oui, mais on a eu la réflexion au sein de l'Association française de sociologie où je co-dirige avec deux collègues à l'horizon migration depuis quelques années, et on a ajouté altérité il y a peut-être 5 ans. Donc ça s'appelait sociologie de la migration, après on a mis migration altérité, et là la dernière fois on a ajouté internationalisation il y a 3 ans je crois. Donc migration altérité internationalisation pour montrer les interconnexions, mais en même temps il y a un autre réseau qui s'est créé qui s'appelle relations interethniques. Là aussi, même si on a lu Barthes, etc., même si on a une pensée constructiviste, encore dans ces idées de relations interethniques on reproduit l'appartenance de manière figée. C'est pour ça, quand j'ai découvert la situation analysis de ce bouquin de Wojtovic, ça m'a vraiment convaincue d'aller dans ce sens de l'analyse situationnelle et de travailler sur des groupes, sur des alliances stratégiques qui se forment autour d'un enjeu. Non, mais ce qui est surprenant, c'est qu'il puisse se créer un RT relation interethnique et qu'en revanche, tu n'en as aucun mondialisation ou transnationalisme. Enfin, ça, c'est, dans le RT migration, on le fait beaucoup, le transnational. Mais c'est vrai qu'on s'est pas renommé étude transnational. Voilà, c'est vrai. Il y a rien de particulièrement. C'est pas explicite. Non, ça c'est vrai. C'est implicite. Enfin, quand on regarde ce qu'on fait, c'est tout le temps présent. Oui. Mais avec Laurence Leroux-Lebergeon, on avait toujours un axe épistémo qui était intitulé d'ailleurs transnational. Mais c'est vrai que ça c'est pas vraiment étonnant. C'est pour ça qu'on a choisi internationalisation. Mais moi, je trouve que c'est un peu bateau. Enfin, personnellement, je trouve transnational est plus parlant ou translocal que international, parce que c'est quelque chose qui reconstruit encore la pensée nationale en fait, en conteneur international entre les nations. Oui. Un concept tout aussi problématique à la fois à l'intérieur du français, à l'intérieur de l'allemand, à l'intérieur de l'anglais, mais de manière et dans chacune différemment de ces cultures, c'est le concept de minorité. Alors oui. Parce que là aussi, quand on compare les usages qui en sont faits en anglais, en allemand, en français, et l'évolution de ces usages. Oui, mais alors qui définit la minorité? Justement. Est-ce que c'est une minorité statistique? La semaine dernière, il y a une Judith Pat à Genève qui parlait de vulnérabilité. Enfin, et donc pour elle, c'est la vulnérabilité qui était un critère en fait pour l'analyse sociologique. Ce que je trouve intéressant comme concept, parce qu'il y a toujours certains groupes qui sont plus vulnérables que d'autres. En revanche, quand on regarde par exemple la sociologie de la famille, les familles qui restent ensemble 20 ans, familles hétérosexuelles avec les mêmes enfants biologiques qui restent ensemble 20 ans, c'est une minorité. Sauf que c'est le modèle. Hein. Et tout le reste, les patchwork families, les familles recomposées ou les familles monoparentales, homoparentales, etc., les enfants adoptés, enfin, il y a toutes les autres configurations qui, quand au total, sont majoritaires, sont toujours considérées comme minoritaires. Hein. Alors, c'est juste un point de vue relatif. Ces formes familiales sont minoritaires par rapport à un certain modèle familial qui existe, mais celui-ci n'a pas la majorité absolue. Et les enfants nés hors mariage sont en majorité en France. Avant, c'était uniquement à Paris, mais là, c'est la majorité sur tout le territoire français. Enfin, c'est dans les 53%. À Paris, c'est deux tiers. Hein. Et donc, la sociologie de la famille, elle part d'un concept qui est un idéal type au sens weberien, mais qui n'aborde pas la pluralité des situations. Hein, ça, c'est un exemple comme ça que j'évoque pour dire que c'est, là aussi, c'est compliqué, minorité. Là, je dirais un peu de nouveau et dire une minorité est une minorité dans une situation sociale donnée où il y a des revendications politiques, par exemple. Hein. Mais quand on regarde justement ce fameux Migrationshintergrund, hein, ça c'est le Unwort, c'est un no-go area pour moi. Enfin, c'est pire que ça. C'est pas seulement non dit, c'est un truc qu'il ne faut pas dire. C'est uniquement dans l'analyse de discours politique. En Allemagne, ils ont inventé ça. Un background migratoire, en fait. C'est un peu comme issu de la diversité, mais c'est pire parce que ça veut dire qu'on a un background migratoire, mais ça s'arrête où? De 5e, 6e génération? Quand est-ce qu'on n'est plus soumis à ce background migratoire? On a tous un background migratoire, évidemment. Je regardais autour de statistiques sur la Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Dans 10 ans, la majorité des enfants à l'école primaire sont issus du background migratoire. Hein? C'est-à-dire qu'ils ont au moins un parent, et ça c'est la définition statistique, au moins un parent qui naît à l'étranger ou qui n'a pas la nationalité allemande, même parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont nées en Allemagne parce qu'il y avait encore le droit de sol, le droit du sang plutôt, le droit du sang qui était appliqué, qui sont nées en Allemagne mais qui n'ont toujours pas la nationalité. Donc là aussi c'est la réification. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est plus une minorité, c'est la majorité maintenant. Hein? Qu'est-ce qu'on fait des minorités visibles, entre guillemets, oui, du Québec? Oui. Ce qui est souvent une objectivation de quoi en même temps? Oui, oui, c'est ça. Hein? Donc le background migratoire, la seule chose qu'on peut dire, c'est on se rend en fait à l'évidence que nous sommes tous en fait à un moment donné migrés vers un autre endroit. Mais là, ça devient une tautologie. Si on dit on est tous migrés, on n'a plus de concept. Hein? Donc ça ne nous avance pas non plus. Mais en même temps, la migration de Sintagrund, c'était aussi quelque chose, entre guillemets, de progressiste. C'est apparu au moment où on ne voulait plus qualifier les gens d'étrangers. Mmh. Oui, tout à fait. C'est juste, ouais. Tu as raison. Dans le contexte allemand, c'est déjà progressiste. Or, quand on prend... Enfin, voilà. Or, il s'agit quand même d'une réification. Hein. Je pense que... diversité, c'est exactement la même chose. Ça a été dans un premier temps pensé comme quelque chose de relativement positif, et maintenant ça devient un obstacle complet à la pensée. Oui. Tout court, et même politiquement, on se rend compte que ça, il n'y a rien. Ça fait absolument, ça produit rien du tout. En tout cas pour le moment. Oui, oui, d'un point de vue conceptuel, mais c'est une des propositions. Alors. Altérité, là aussi, altérité, c'est othering, c'est une traduction aussi de ce qui se fait dans la sociologie anglophone. Donc la manière de créer l'autre, en fait, c'est de se faire l'autre dans l'interaction. Là, je pense que ça peut donner quelque chose parce que c'est un peu le retour à l'interactionnisme, faire l'ordre social dans l'interaction commune, enfin, en dialoguant. Donc l'autre est fabriqué, en fait, en commun. Dans une interaction, ça marche pour des situations sociales entre individus, mais d'un point de vue politique aussi, on pourrait dire l'autre est créé à travers les discours, sauf qu'il y a des perceptions physiques Hein? Donc je pense qu'il faut distinguer, quand on travaille sur la diversité, il faut distinguer entre ce que tu as appelé minorité visible, invisible, et donc des aspects qui sont perceptibles plus facilement que d'autres, parce que la problématique n'est pas la même. Hein? Et quand on met handicapé, femme, gay, musulman, quand on met tout ça dans la diversité, on a un problème aussi conceptuel. Il faut distinguer au moins entre ce qui est perceptible et la problématique qui est liée à... Mais ça, c'est pour en faire un concept. Oui. C'est pas pour étudier la manière dont le terme est utilisé. C'est non, pour oui, ça, c'est d'en faire. Chose. Oui, d'en faire un concept. Il y a besoin d'un concept pour parler des choses. Enfin, là, c'est ça. Voilà deux problèmes. Il faut quelque chose qui puisse quand même décrire. Oui, mais pour ça, il faut une cartographie des usages qui, en tant que telle, n'a pas besoin d'une conceptualisation antérieure. Ça, ce sont deux choses différentes. Je comprends la tentation consistant à dire est-ce qu'on ne peut pas en faire un concept. Je comprends tout à fait, tout à fait l'idée, mais quand on a un terme qui devient aussi répandu, aussi contradictoire dans un grand nombre de cas, c'est vrai que ça paraît difficile. Oui, tout à fait. C'est pour ça que pour l'instant, je ne l'ai pas appliqué. Enfin, c'est une idée, c'est une question que je me pose en ce moment, puisqu'on m'a fait cette commande. Donc c'est une nouvelle forme d'article qui s'appelle Gebietskartierung. C'est justement cartographie. C'est intéressant que tu utilises ça aussi, parce que c'est la sociologue que j'ai revue qui veut faire une cartographie de ce terme, en fait. Hein. Et donc, il m'a envoyé, 15 bouquins qui sont sortis sur la diversité. Et je me suis retrouvée avec une espèce de... ça partait dans tous les sens quand j'ai lu ces bouquins. C'était à la fois l'utilisation politique, c'était l'application en entreprise, c'était alors les lieux de la diversité. Hein. Donc là, j'ai retrouvé un peu l'approche territoriale sur les études migratoires, hein, sur Cologne. Il y avait Errol Yildiz, évidemment, que tu connais peut-être, la Kolbstrasse. C'est une rue, c'est un peu comme Belleville à Cologne, sur laquelle il y avait beaucoup de travaux. Et pour l'instant, je me suis arrêtée à la manière de retracer les usages, parce que je trouve que c'est un concept qui ne tient pas encore la route. Et la deuxième raison pour laquelle je veux éviter de l'utiliser, c'est que ça mange l'égalité entre les genres. Enfin, ça enlève en fait aux féministes toute leur emprise, notamment sur les pas. Politique facultaire, entrepreneuriale, parce qu'on remplace partout égalité par diversité, enfin, égalité des chances, égalité entre les sexes par diversité. Et l'Université de Lausanne a créé un rectorat pour la diversité et la relève. Hein? Donc on ne s'intéresse plus, il y a toujours plus de 50% d'étudiantes et seulement 5% de professeurs ordinaires. Hein, donc je suis la seule à ma faculté, par exemple. On pense à la diversité parce que ça fait bien. On a aussi découvert le développement durable, hein, bien sûr, hein, en même temps. Donc il y a un vice-recteur qui est chargé du développement durable, promouvoir le vélo, etc. Enfin, les moutons existent depuis longtemps, hein, la zone pour brouter l'herbe. Marque de fabrique de Lausanne, mais maintenant on fait un peu dans le marketing justement. Hein? Quand les gens vont écouter ça en podcast, j'espère qu'ils vont pas m'inviter devant le recteur pour me justifier, mais c'est pour montrer à quel point je trouve que ce marketing de la diversité pose problème quand tu vois comment c'est appliqué. Hein? Et ma solution, en fait, c'est ce que je vous ai montré, c'est appartenance multiple, hein, donc situation sociale, et le boundary making. Ça aussi, je trouve que c'est un concept intéressant. C'est comment les frontières sont dressées dans une situation sociale donnée. Comment les acteurs créent des frontières pour obtenir quelque chose ou pour se démarquer, justement. Hein? Mais tout ça, ce sont des concepts dynamiques, hein, qui essayent d'éviter la réification. Allez-y. Oui. Sur la diversité, simplement, oui, ça contribue, il me semble, à réifier, puisque le problème, c'est que la diversité désigne forcément les non-blancs, les non-européens. Oui, c'est ça. C'est très intéressant, d'ailleurs, cette distance entre... la première fois qu'il a été utilisé d'un point de vue juridique aux États-Unis, par la Cour suprême, c'était bien pour inclure quelque part la personne, sur la diversité, la personne qui portait plainte. Alors que parce que la personne qui portait plainte était blanche. Absolument. Donc, c'est ce que je dis. Et d'un point de vue sociologique et politique, il est utilisé pour désigner, hérifier d'une façon euphémisée, les. Tous ceux qui ne sont pas divers. Oui, c'est ça. Ce qui est assez drôle, c'est qu'en plus en français. Tous ceux qui sont divers, et donc il y aurait d'un côté des gens qui ne seraient pas de l'ordre. C'est ça. Et alors qu'est-ce qu'on est quand on n'est pas, quand on ne relève pas de la diversité? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Fait partie de la non-diversité. Ouais. C'est ça qui est compliqué. Quel est l'envers de ça? Je ne suis pas sûr qu'on puisse déconstruire, d'un point de vue scientifique, tout ce non-dit qu'il y a. Derrière, qui est clairement là, du politique et social. Mais en français, il y avait déjà un précédent, mais alors là, on est bien avant les années 90 et cet usage de diversité. Il y avait un usage de diversité, notamment en géographie et en histoire, qui était fait pour désigner la diversité de la population, en particulier, la diversité du peuplement français et la question des régions françaises. Moi, c'est ça qui me frappe, c'est qu'on est passé d'une logique où la diversité venait désigner la diversité des paysages, des régions, des langues, etc., à quelque chose qui est complètement différent et qui relève là de l'ailleurs, véritablement, qui relève de ce qui vient de l'extérieur des frontières et qui est visiblement différent. Parce qu'en France, je crois que la diversité, elle touche véritablement à la question du visiblement différent, même si on peut ensuite y ajouter autre chose, comme la question de l'islam, par exemple, et qui est très souvent marquée par ceux qui l'utilisent pour une peau différente également. C'est peau visiblement. Oui, on est dans la racialisation, on est dans quelque chose de très biologisant. Enfin. Voilà. C'est-à-dire qu'un musulman. Converti, par exemple, il sera pas compté. Oui, c'est ça. Comme vous l'avez dit, on peut se demander. Sauf en burqa. Oui, voilà, absolument. Ou avec une longue barbe. Hein. Voilà, mais voilà, après, c'était à la barbe orthodoxe, c'est un problème. Pardon, excusez-moi. Oui. Peut-être qu'on pourrait se demander justement dans quelle mesure diversité n'est pas arrivée juste au moment. Plutôt, n'a pas contribué à évacuer le débat sur la différence ou l'indifférence. Oui. Parce que c'est arrivé à peu près au moment où les discussions sur le droit à la différence ou à l'indifférence turque. Ouais, moi j'ai l'impression qu'il arrive après parité même. Vraiment dans le débat. Mais ça, il faudrait suivre de façon. J'ai l'impression que parité précède diversité. Ça doit se jouer à pas grand chose, mais j'ai l'impression que diversité, c'est vraiment début des années 2000. Ouais. Alors que la période 95-2000 a été la période de la parité. Oui, tout à fait. Et donc, on a liberté, égalité, parité, diversité. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des paris pour demain. Oui, c'est ça. Mais c'est très complexe à faire comme histoire. Oui, Et comme analyse, parce que c'est. Il y a des usages politiques, il y a des catégories qui sont utilisées dans la recherche, il y a des catégories par les acteurs eux-mêmes. Il y a les usages militants dont parlait Adèle, qui sont effectivement aussi importants. Quoi. Est-ce que c'est porté? Parce que parité, au départ, c'est un usage militant, par exemple. Ben, bien sûr. Ce n'est pas porté par les militants, ça, justement. De quoi? Diversité. Ah non. Mais je disais, pour parité, par contre, c'est un usage qui est plutôt. Porté par les féministes. Ouais, plutôt bottom-up. Ouais. Du bas vers le haut. Encore qu'il faudrait regarder justement précisément du côté des acteurs, parce qu'il y a des acteurs qui jouent aussi, enfin, issus d'eux, qui jouent de la diversité. Je pense par exemple à des acteurs issus d'eux qui jouent de cette catégorie, par exemple au sein du MoDem. Ah oui. Présenté comme candidat, oui, je suis un candidat de la diversité, etc. Donc il y a. Oui, une politique de parti aussi. Hein. Ah oui. Une politique de parti, parce que le Parti socialiste a joué très très fortement cette carte via d'ailleurs Terra Nova aussi, hein, qui a quand même semble-t-il joué un rôle assez important dans cette. Dans ce passage, de façon. Oui, alors que, comme je l'ai rappelé en introduction, le communautarisme, en fait, a été brandi comme ennemi et par Beauvais et par Sarkozy. Oui. Hein, pendant la. C'est ça, c'est intéressant. C'est l'ennemi de tous. Oui. Personne ne se dit communautariste. Je connais personne qui se dit communautariste. Oui, c'est ça. Comme tu disais, ça fait l'unanimité contre soi, c'est le diable. C'est ça. Au sens même étymologique, c'est ce qui sépare. Mais le terme multiculturalisme qui fait un petit débat, Merkel, il y a quelques temps, a dit que le multiculturalisme était le mal de l'Allemagne, je sais pas quoi. Elle a dit, elle a échoué. Elle avait dit qu'elle a échoué. Alors, dans certains pays, le multiculturalisme est plutôt positif, j'ai l'impression. Je pense qu'il y a plus de débats sur multiculturalisme que sur communautarisme qui fait l'unanimité. Là, il y a un vrai débat. Enfin, moi, j'aime bien le bouquin que Marco Martiniello a repris. Enfin, il avait fait un truc à Sciences Po il y a 10 ans. Il a repris la démocratie multiculturelle. Ouais. Et là, il a bien retracé en fait cette historique. Mais pour l'Allemagne, c'est compliqué parce que c'était un moment où Merkel commençait à baisser partout dans les élections des différents Länder, où elle devait en fait droitiser son discours. C'était contre les Verts, c'était aussi contre les libéraux qui ont aussi des restes en fait de revendications libérales au sens américain du terme. Et donc ça s'inscrit dans un contexte politique particulier. Et d'ailleurs le président de l'époque, qui a sauté depuis, lui, il avait commencé son premier discours en disant l'islam fait partie de l'Allemagne. Et ça a fait en fait une polémique parce que il y en a qui ont dit oui, ok, les musulmans, mais pas l'islam. Alors qu'est-ce qu'est la différence, hein, c'est compliqué. Et c'est là que Merkel en fait s'est positionnée pour répondre à l'aile droite de son parti. Donc c'est très particulier et il faut l'analyser dans un contexte politique politicien. Elle n'a pas dit, là aussi, problème de traduction, elle n'a pas dit que le multiculturalisme a échoué. C'est-à-dire qu'elle n'a pas employé le mot multiculturalismus, donc en faisant, évoquant une idéologie, une pratique, elle a dit multicultis, qui est juste un mot qui était plus un slogan et qui ne voulait pas dire grand-chose. Qui était le nom de station de radio à Berlin. Effectivement, comme tu le disais, c'était un coup de patte contre une partie des Verts, enfin contre des positions. C'était pas contre le multiculturalisme tel qu'on a pu l'entendre ailleurs. Enfin, c'est le cas aussi de la diversité. La diversité, c'est le cas aussi. C'est une réaction à un discours républicain. Sarkozy l'a utilisé. Enfin, c'est tout le temps des réactions. Stratégie politique. Surtout la diversité, d'ailleurs. Il y avait longtemps, c'est contre le discours républicain, c'est intéressant ça. Je pense que ça l'est, et d'un autre côté, c'est totalement compatible. Mais oui. Dans la manière dont c'est utilisé, hein. Je pense que. C'est la raide, etc. C'était justement pensé avec un président issu d'une grande entreprise, justement. Enfin, c'était cette idée de rendre la République plus égalitaire, justement. Ouais. Enfin, c'est ça l'idée. D'un point de vue discursif. Alors, après, on peut se demander si ça ne va pas réifier encore et encore le même groupe. Hein, je crois que c'était d'une certaine façon un moyen. J'entends tout à fait ce que vous dites, et au contraire, c'est très intéressant de le voir comme ça. Et je me demande si en fait c'est pas justement la version compatible ou républicano-compatible de la question des différences. Parce que si vous voulez, pendant des siècles, on a eu un monde global qui nous parlait de l'humain comme un, l'homme blanc. Et donc il y a un humain et les autres sont des presque humains. Et donc la diversité, c'est une façon de dire il y a diverses formes d'humains. Et donc c'est vraiment au-delà de la République, c'est toute la construction du monde global depuis le 15e siècle autour de l'esclavage, etc., qui répond à ça. Là, je suis pas en train de défendre le concept, juste en train de dire, parce que je travaille sur des groupes qui s'affirment justement en relation avec leur origine. Vous parliez de ça tout à l'heure. C'est ça. Pourquoi est-ce que les Noirs... On parle plus de leur origine qu'un Vietnamien, quoi. Mais c'est-à-dire que l'origine vietnamienne n'a pas été diabolisée comme l'origine africaine. Non, justement. Donc il y a forcément une... il faut reprendre ce concept puisqu'il y a tellement d'altérité négative. On va garder cette altérité, vous montrer qu'elle est positive. C'est une réaction de cet ordre-là. Et la diversité dans beaucoup de discours, ça prend ce sens-là dans la bouche des acteurs au final. Voilà. Et puis même toutes les cultures globales, urbaines, très à la mode, le mouvement hip-hop, etc., ça vient aussi de cette fierté des origines. On parle de l'Afrique alors qu'on est noir américain depuis 4 siècles dans une chanson de hip-hop. C'est cette façon de dire, ok, il y a une différence, mais elle n'est pas négative. Oui, mais justement, ça c'est la suite de la fierté enfin, qui conduisait tout mouvement minoritaire, justement, qui a renversé le stigmate. Oui, et qui est très problématique aussi, qui peut laisser les groupes dans des espèces d'attitudes victimaires, et puis toujours racialisantes, et qui est pleine de paradoxes. Moi, je travaille vraiment sur ces paradoxes, d'ailleurs. Ah oui, ouais, et sur quel terrain? Je travaille en Afrique de l'Ouest, sur le mouvement Rasta. Un mouvement qui, à la base, se base sur une opposition raciale. Oui. Et qui, aujourd'hui, tente de négocier, dire non, Babylone, c'est pas la race, c'est un système. Les pires ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. Enfin, de tout faire pour pas paraître comme un groupe hyper conservateur et raciste, au final. Ah. Et donc, il y a cette tension permanente. Et, c'est... Mm-hmm. Et puis, on la retrouve à Kingston, à New York, à Los Angeles, à Paris. C'est marrant. Ça a beaucoup de succès. Est-ce qu'on ne pourrait pas se demander de manière très très généralisatrice, très globalisante, etc. si le type de débat qu'on a en France, ou l'évolution du débat qu'on a en France, ne tient pas à l'affaiblissement, alors pourquoi cet affaiblissement de deux éléments fondamentaux du discours républicain, enfin peu importe comment on l'appelle, qui était la séparation entre la sphère privée et la sphère publique, qui jouait quand même un rôle capital, dans la mesure où, pendant assez longtemps, avec des variantes selon le temps, on pouvait dire tout ce qui relève de l'appartenance culturelle, d'accord, mais dans la sphère privée, et on ne veut pas l'avoir dans la sphère publique. Et ça, c'est quelque chose qui, en France, est en train de... Il y a le phénomène général de la disparition des limites entre sphère publique et sphère privée, etc. Deuxièmement, de l'aspect contractuel, enfin plutôt, deuxièmement, il m'en est trois, deuxièmement de l'importance, enfin plutôt de mettre l'individu au centre et non pas la communauté. Bon, en France, on a une échelle de valeur qui est à peu près exactement l'inverse de l'échelle de valeur allemande. Tout à fait, oui. C'est-à-dire qu'en Allemagne, dans la culture allemande, c'est la Gemeinschaft qui, encore aujourd'hui, est au top, et la Gesellschaft qui est en bas. En France, c'est l'inverse. Oui. C'est polyglotte, comme c'est dit. Et donc la capacité, ou plutôt la volonté ou programmatique de percevoir l'individu avant de percevoir son appartenance et de percevoir son groupe, avec toutes les conséquences, voire aussi Todd, universalisme, différentialisme. Et troisièmement, l'idée de contrat qui plus ou moins bien fonctionnait par rapport à celui qui arrivait, en lui disant en gros... si tu acceptes précisément ces éléments-là et que ton appartenance culturelle, tu la gardes pour toi, chez toi, avec tes amis, mais pas dans la sphère publique, tu pourras devenir citoyen. Mais ça, c'est le discours rabamassien, en fait, enfin, façon de se parler au tessin. C'était le discours qui, en France, a plus ou moins bien fonctionné, qui a arrêté de fonctionner parce que la France n'a plus tenu sa partie du contrat. Et parce qu'il fonctionnait sans se dire en tant que tel. Et à partir du moment où on commence à le dire, c'est-à-dire où on invente le contrat d'intégration, c'est précisément parce qu'on considère que le modèle a échoué. C'est ça qui est assez fascinant. Et à vos trois points, j'en ajouterais peut-être un. Mais on réfléchit comme ça aussi par analogie et en avançant, en écoutant. Et je pense qu'il y a aussi eu ce changement dans la notion de représentation, où on est passé d'une vision de la représentation comme représentation abstraite à une vision de représentation comme représentation statistique. Où de plus en plus on estime que serait normal que la représentation nationale soit représentative. Et du coup il y a toutes les questions, et pourquoi il n'y a pas de musulmans à l'Assemblée nationale, et pourquoi il n'y a pas de noirs à l'Assemblée nationale, et du constat on passe à la prescription, disant est-il normal que la représentation nationale ne soit pas représentative. Et ça, je pense que mentalement, ça joue aussi pas mal. La représentation miroir, Rosan Vallon utilise ce terme-là. C'est à partir du moment où justement on conscientise ou on officialise, on publicise les appartenances qui vont constituer ces groupes-là. Je ne suis pas du tout mis dans la nostalgie de quoi que ce soit, mais c'est, quand on compare avec les années 50, le deuxième personnage de l'État en France a été noir pendant 20 ans. Oui, mais on l'a oublié. Mais c'est pas... Oui, non, mais on l'a oublié, mais on n'a jamais su. En plus, on ne l'a jamais su, mais là, on l'a allègrement oublié. C'est-à-dire le Gaston Monerville. Oui, mais à l'époque, ça n'intéressait personne. C'est le deuxième personnage noir de l'État. Gaston Monerville, président du Sénat. D'accord. président du Sénat sous De Gaulle. Président du Sénat au début de la Ve République. Bon, si De Gaulle était mort, on avait un président de pouvoir pour le remplacer. Pendant un certain temps. C'est assez anecdotique quand même. Je suis pas si sûr que ça. Si on porte le jeu, moi ce que je veux dire par là, c'est que même à l'époque, ça n'était pas un sujet. Non. Oui, c'est ça la question. C'est ce qui est important. Et on a eu plusieurs ministres africains à voir. Mais ça n'intéressait personne à l'époque. Dont un qui se présentait comme breton. Kofi Nyamnyam. Non, mais je parle pas de Kofi Nyamnyam, je parle de Houphouët Boigny, je parle de Sagor. Je parle de. Ouais. Non, mais je dis que c'est anecdotique au sens où c'est pas. L'Assemblée est majoritairement blanche quand même. Non mais le fait que ça soit pas. Est-ce que vous vous rendez compte issue, si maintenant on élisait un président du Sénat noir, ça serait brandi partout. Et là, c'était pas le cas. Après, c'est pas un sujet. Il y a un point qui pourrait être intéressant, c'est de voir à quel point on a découvert très récemment que Dumas était noir. Ah, mais ça, Marie, ça, on a parlé quand elle a invité formidable. On l'a invité à Lausanne pour parler de. Oui, je sais. Je l'ai vu la veille. On a discuté de ça. Ah oui, oui, c'est ça. Alexandre Dumas. Martiniquais, par exemple. Quand est-ce que la France a eu pour la première fois un ministre noir, membre du gouvernement noir. Blaise Diagne était député avant. Et ce qui, de manière intéressante, déclenche des torrents de polémiques en Allemagne. Oui. Bah oui, on est sur la France porte d'entrée de la dégénérescence de la revanche avant le nazisme. Ouais. Ah mais le nazisme a des racines au 19e justement qui n'ont pas disparu au point de la République de Weimar, bien au contraire. Oui. Mais en même temps, en voyant les parcours de ces personnages qui occupaient des postes importants, c'est aussi dans le contexte colonial. Bien sûr, on permettait parce que finalement, ils n'étaient pas vraiment non plus. C'était soit c'est l'Empire et on les accepte, ou bien soit. Bien sûr, mais ça montre, ça relativise justement tout cet aspect. J'en revenais à cet aspect de perception de l'autre, oui, perception de l'autre, oui. Construction de l'altérité. On voyait beaucoup moins. Oui. Oui. Et comment vous faites ? Ça m'intéresse de voir sur quoi vous travaillez. Parce que vous dites, vous posez les mêmes questions. Comment vous abordez ce paradoxe, justement, dans vos sujets respectifs ? Je ne vous ai pas encore entendu, vous. Non, je travaille sur le courant postcolonial, en fait, sur l'importation en France. J'essaie de comprendre comment se positionnent, notamment les chercheurs, par rapport au courant des années 2000, entre 2000 et 2007. D'accord. Et quelle population de chercheurs vous mettez au centre de... Bah, du coup, là, je me situe plus sur les sciences humaines, donc sociologie, histoire, philosophie, un petit peu littérature, mais je suis encore un peu sceptique par rapport à cette dimension. Et vous abordez aussi les chercheurs formés en France qui sont exilés, enfin comme Soulaymane Berchiadiane, par exemple... Achille Mbembe, enfin qui sont dans l'espace francophone, mais pas en France. Enfin. Oui, et j'aimerais aussi voir peut-être aussi ce même des chercheurs anglo-saxons qui travaillent sur la France, mais aux États-Unis. Faut venir à Genève. Je serai à une table ronde avec Soulaymane Berchiadiane et Achille Mbembe sur le postcolonialisme, et organisé par des théologiens catholiques qui abordent ces questions-là. Donc, ça fait partie justement de cette découverte et de cette participation en fait à ce débat qui est relativement tardif en France. Enfin, justement. Enfin de cette manière-là, il est tardif. D'un point de vue du sujet, en fait, il a toujours été présent, je pense, mais il n'a pas porté ce nom. J'imagine que c'est au cœur de vos réflexions. Quand est-ce que l'étiquette est arrivée Parce que le contenu est arrivé, je veux dire, avec ce que les auteurs. Les premiers qui réfléchissaient à la condition de la colonisation, c'était quand même des penseurs francophones. Donc c'est sur l'étiquette, enfin, comment ? Oui, c'est à la fois ça. Donc, par exemple, l'achat, à mon avis, c'est un peu ça. Ils font des études postcoloniales sans le savoir. C'est ça. Et après, ils s'étiquettent un peu plus tard. Oui. Donc oui, il y a aussi ce cheminement de une manière de réfléchir, peut-être une méthodologie, je ne sais pas si on peut utiliser ce mot, qui est présente sans. Et donc, j'essaie de repérer qui, comment, pourquoi, etc. Mmh. Intéressant. Moi, je travaille sur les associations de migrants qui mènent des projets de solidarité internationale dans leur région d'origine. En fait, je travaille plus précisément sur le rôle de ces associations dans les réseaux de la solidarité internationale. Mmh. C'est ça l'objectif. Mais du coup, par rapport à tout ce que vous avez dit, pour moi, c'était éclairant du premier mot au dernier. Ah, merci. Mais parce que du coup, j'essaie de travailler un petit peu comme ça. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est de faire un peu une analyse de réseau, de prendre les associations, oui, aux membres, et d'essayer, oui, de comprendre avec qui est-ce qu'elles ont des partenariats, avec qui est-ce qu'elles travaillent, oui, est-ce qu'elles ne travaillent pas ou elles ne travaillent plus, comment ça se joue avec les acteurs alors, publics, les autres ONG, les acteurs privés aussi avec qui on a travaillé, ici. Donc pareil, c'est toujours... par rapport à ce que vous disiez, effectivement, c'est tout à fait écho. C'est toujours très localisé, c'est-à-dire, oui, une association, elle mène un projet là-bas, et puis en réalité, il y a plusieurs territoires. Il y a des acteurs très différents qui se mobilisent autour de ce projet. Mmh. Voilà. Et donc j'essaie de travailler là-dessus, sur les relations, en fait. Et effectivement, de voir que suivant l'interlocuteur et suivant, mmh, la situation, mmh, l'étiquette ou le vocabulaire qu'on utilise pour se présenter change du tout. Ah oui, tout à fait. Ouais, et notamment, il y a cette appellation qui vient. Alors j'essaie justement en ce moment de rencontrer des gens pour essayer de remonter, voir en fait à quel moment on a créé cette appellation, une appellation de l'État français qui, apparemment, OSIM, en fait, Organisation de Solidarité Internationale Issue des Migrations. Issue des migrations. Issue des migrations, mais intéressant. On n'est pas du tout sur les trucs de l'issue de la société, parce que théoriquement, ça s'adresse à des associations qui ont été fondées et qui sont animées par des personnes qui ont vécu le processus migratoire. Donc, au sein de l'association, après, il y a des profils qui sont extrêmement différents. Il peut y avoir 10 nationalités représentées, ou au contraire, qui peuvent être relativement des gens issus du même village. Donc, ça peut être très très différent, mais on n'est pas sur ces questions de diversité. Mmh. En revanche, dans la façon dont ça a été traité par l'État français, il y a certainement les mêmes problématiques. Enfin, je suis encore au début, et juste pour rebondir sur le petit débat qu'il y a tout à l'heure sur le fait que peut-être les personnes d'origine asiatique étaient traitées différemment, en l'occurrence, moi, dans le terrain du coup que je vois, elles sont traitées pareil, c'est-à-dire que dans la logique organisationnelle, je dirais, l'identité, il existe une plateforme en France qui regroupe ces associations, qui s'appelle Euphorie, une plateforme qui regroupe les fédérations d'associations, donc il y a à peu près 70 fédérations qui sont membres. Alors toutes ne sont pas actives, toutes ne sont pas... Comment s'appelle Forum, là ? Forum, F-O-R-I-M, Forum des organisations issues des migrations. Ah, je crois que j'ai rencontré une malienne qui c'est possible. Ouais, mais qui là-dedans, qui est invitée autour d'un projet genre aide à migration. Enfin, non, mais je peux vous retrouver ça, parce que j'avais obtenu un projet dans le cadre du 7e PCRD européen, un projet européen donc sur les questions de genre et de migration, et c'était aussi beaucoup autour des migrants en tant qu'experts. Enfin, il y avait le triangle policy maker, migrants, société civile, donc, et chercheurs. Ces trois mondes ne se parlent. C'est la grande